toi, fille de 17 ans, tu es si belle comme ça. Moi, homme de 22 ans, je t'aimerai pour toi. Mais hélas, tu n'as pas l'intelligence de m'aimer pour moi. Car fille de 17 ans, tu ne penses qu'à l'argent. Toi, fille de 17 ans, tu es matérialiste. Moi, homme de 22 ans, je ne suis qu'un romantiste. Et ton petit copain sera plus laid que moi et bien moins amoureux. Mais ton petit copain, lui, aura une C1. Toi, fille de 17 ans, pourtant tu aimerais bien. Moi, homme de 22 ans, m'embrasser dans un coin. Car tu aimes mon style, ma barbe et mes gros bras. Mais tu pousses un soupir, je n'ai rien à t'offrir. Toi, fille de 17 ans, tu bosses à la mairie. Moi, homme de 22 ans, je m'occupe des petits. Et notre bel amour, jeté par la fenêtre, par la pas de l'argent et la politique du paraître.